En Corée, dans le musée d'éducation de classe de la ville de Nampo, sont exposées plus de 90 nouveaux données, vestiges et pièces probantes dénonçant les atrocités des impérialistes américains et japonais et des ennemis de classe. Ils font comprendre plus profondément la vérité de l'histoire, selon laquelle les illusions sur l'ennemi mènent à la mort et raffermissent les visiteurs dans leur foi et détermination de braver et de vaincre les ennemis à coup sûr.